de City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous les amis, un beau souffle musical arrive sur Fadjet avec un nouvel épisode inédit de Music and the City et ça, c'est rien que pour vous. On va partir un peu partout ce soir, dans des styles et avec des artistes complètement différents pour le coup. Ouais, bah oui, parfois je n'arrive pas à trouver une thématique bien précise et on en arrive à une programmation comme ce soir, atypique mais somme toute intéressante. Le coup d'envoi sera donné par mon coup de cœur de la semaine passée, le fameux Jeffree Star et sa voix unique. Je vous ai parlé d'ailleurs rapidement de son premier album sorti en 2009, quoi de plus naturel que de vous proposer ce tout premier single issu de ce disque, Get Away With Murder. Qui a un clip d'ailleurs très spécial, ouais, léché des chaînes de tronçonneuses, c'est un peu bizarre même pour moi. Mais bon, vous le découvrirez sur le Facebook plus tard, car avant c'est sur Fadjet qu'on découvre cette chanson. On est ensemble pendant une petite demi-heure musicale, bonne soirée à vous. Music and the City sur Fadjet. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que la série télévisée à succès Charmed est actuellement en cours de tournage d'un reboot pour la télévision. Mais à l'instar du retour de X-Files ou de Prison Break, tout a été revu comme un tout nouveau show, à commencer par le casting. Ouais, fini les sœurs Halliwell, place aux sœurs Prout, je sais pas trop le dire, en tout cas c'est moins vendeur. On a quand même adoré cette série pendant 8 ans, qui a été diffusée sur M6 en France, et ce qui a donné autant de poids à ce show télé, c'était surtout son casting. Même si l'arrivée de Rose McGowan au cours de la saison 4, en tant que nouvelle sœur, a fait un peu grincer des dents à l'époque. Mais c'est un personnage que j'aimais beaucoup. C'était une occasion de reprendre les bases de la série en plein vol d'ailleurs, avec un changement de casting. Mais bon, quel est le rapport avec la chanson, me direz-vous ? Oui, on est dans une émission musicale quand même. Eh bien, Rose McGowan a plusieurs fois poussé la chansonnette, alors non seulement dans la série, mais aussi dans la vraie vie. Et c'est un duo avec un artiste américain que je surnommerai ici BT, qui est arrivé sur le marché du disque en 2003 avec le titre Super Fabulous. Et ça, c'est super fabuleux parce qu'on va le découvrir tout de suite, ensemble. Oh, belle la vie. Sirens sing, keep my truth, I will take it. Yeah, come on. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Il y a quelque temps, j'ai découvert une série télé géniale sur Arte qui s'intitule « J'ai deux amours ». Une belle surprise scénaristique, mais surtout encore plus surpris de reconnaître la chanteuse Yael dans le casting. Faut dire qu'après l'époque tectonique et sa reprise géniale de « À cause des garçons », j'avais totalement occulté l'artiste. Mais que nenni ! J'ai redécouvert une discographie super sympatoche avec des titres pop électro très dirigés années 80. Un revival 80s qui est vraiment partout, que ce soit dans nos télés, nos radios, nos livres, nos cœurs. Ah oui, ah c'est beau. Je suis complètement fou de ces années rétro. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver dans Génération VHS le premier jeudi de chaque mois pour faire un petit retour complet sur toute la culture pop de ces années 75 à 99, accompagné de la team VHS, bien sûr. Donc je vous disais, oui, je suis complètement fou de ces années-là. Eh ben, complètement fou, c'est justement le titre de la chanson qui arrive, de Yael. Quelle belle transition, n'est-ce pas ? Complètement fou. Music on the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. On quitte l'univers édulcoré des séries pour se retrouver vers le cinéma d'animation. Et je vous ai parlé de Charm tout à l'heure, et bien maintenant, on est en 1995, et les studios Walt Disney proposaient le premier long-métrage complètement consacré au personnage loufoque de Dingo, on connaît tous. Et dans ce film, Dingo vit et élève seul son fils Max, un adolescent rebelle. Tellement rebelle qu'il préfère ne pas être vu en compagnie de son père, qui est un gaffeur reconnu, on le sait. Amoureux de Roxane, il va tout faire pour attirer son attention jusqu'à prétendre pouvoir partager la scène avec Powerline, la star de la chanson planétaire que tous les adolescents adorent. Mais c'est sans compter sur un voyage père-fils organisé de dernière minute par Dingo pour essayer de renouer leur complicité qui va pousser les deux protagonistes dans des situations assez loufoques. Donc, Powerline, je disais. Eh bien oui, c'est le chanteur Terry Campbell qui a posé sa voix sur les titres. Et c'était vraiment top. Une ambiance assez futuriste pour les années 90 qu'on va redécouvrir maintenant avec le titre Stand Out, tout de suite dans Music and the City bien sûr. Take a look at me. Get the picture fixed in your memory. I'm driven by the rhythm like the beat of a heart. And I won't stop until I start to stand out. Stand out. Some people settle for the typical thing. Living all their lives waiting in the wings. It ain't a question of if, just a matter of time. Notice me. If the squeaky wheel's always getting the grease, I'm solely devoted to disturbing the peace, and I'll do it all again when I get it done, until I become your number one. No method to the madness and no means of escape. Gonna break every rule, I'll bend them all out of shape. It ain't a question of how, just a matter. Can make you stop and take a look at me instead of just walking by. There's nothing that I wouldn't do if it was getting you to notice. All I need is half a chance, or second thought, a second glance of proof. I got whatever it takes. It's a piece of cake. To stand out. Till you notice me. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Je vous ai parlé de revival des années 80, mais n'oublions pas non plus nos années 70. Non ? Et c'est une sacrée époque qui continue de vivre et même de bien vivre, hein, j'ai envie de dire. Prenons l'exemple d'Amanda Lear, tiens. On n'a jamais su son âge véritable, hein. Mais on peut quand même dire que l'ancienne muse de Salvador Dali, elle est dans une forme incroyable en ce moment, même olympique. Rien qu'à suivre son actualité sur les réseaux sociaux, cette femme est partout à la fois. T'as envie de vivre ce qu'elle vit. Un petit peu comme en 1977, d'ailleurs, où son album Street Revenge était en pleine préparation et qu'elle continuait à faire la tournée des Grands Ducs pour promouvoir le single Tomorrow, qui est d'ailleurs sans doute ma chanson préférée de l'artiste. Et peut-être bientôt la vôtre, si souvenez-vous. Music and the City sur Fadjet. Amanda Lear avec Tomorrow. Et comme elle a su nous le dire, voulez-vous un rendez-vous ? Et ben moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, toujours de 19h30 à 20h pour un épisode inédit de Music and the City. Mais avant ça, on se retrouve sur le Facebook de l'émission, Fadjet-Music and the City. Le podcast sera disponible dès demain matin. Je vous souhaite une très bonne soirée, surtout écoutez de la musique, profitez du retour du beau temps, même si aujourd'hui c'est un peu mitigé. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.